Ok, on va essayer de faire quelque chose. C'est bon le niveau là ? On va essayer, d'accord ? Est-ce que vous êtes prêts ? On va essayer un truc. 1, 2, 3, 4. Allez, j'y vais. Love of my life, you won't love me. Broken my earth, I know you'll leave me. Love of my life, can you see? Bringing back, don't take it away from me. Love of my life. Are you ready? Ah mais je vais essayer de refaire. Love of my life, you won't help me. Broken my heart, and now you leave me. Love of my life, can you see? Bring it back, don't take it away from me. Love of my life, broken my heart, and you left me. You leave me. Come on. Because you don't know what it means to me. Love for my life, don't leave me. Taking my love, no discipline. Love for my life, love for my life. What it means to me, you will remember. when this blow over, and everything all by the way, when I grow older, I will be there at your side to remind you. Oh, I still love you, I still love you. But hurry back, because you don't know. Are you ready? Love of my life, you of me, broke through my hell and you only leave me. Love of my life, can you see, bring it back. Love of my life, you of me, broke through my hell and only you leave me. Love of my life, can you see, bringing back, bringing back. Come on. Love of my life, you love me. Love of my life. Love of my life, you help me. You've broken my heart and you leave me. Love of my life, can you see? Bring it back, bring it back. Love of my life, you won't help me. Broken my heart, no, you leave me. Love of my life, can't you see? Bring it back. Bonsoir Paris. De solo avec Zig et Titi. C'est parti pour le duo de solo avec Zig et Titi. C'est à vous les gars. We'll be right back. il fait chaud. Il faut se mettre en maillot. Est-ce que vous êtes prêts? Deux, trois, quatre. Est-ce que tu es prêt, Zig? Kitty, il est prêt, lui. Est-ce que tu es prêt, Zig? Est-ce que tu as trouvé les accords, Zig? Est-ce que tu as trouvé les accords? Maintenant faut te caler. Cale-toi sur la basse. Cale-toi sur la basse. Cale-toi sur la basse. Allez, cale-toi sur la basse. On t'attend, on t'attend, on t'attend, on t'attend, on t'attendra pas longtemps. If you stop me, never stop. If you stop me, I've been running out. You got me ticking, gonna blow my top. If you stop me, you make a grown man cry. Spin up with all the gasoline. If you stop me up, I never stop. If you stop me up, I never stop. I've been running up. Come on, come on. You make a grown man cry. I was small, right in me. The machine starting up. Kick on the starter. Give it all you got, you got, you got. Can't compare with the rider. You're over it. If you're rolling up, if you like it, you can start it up. Don't make a grown man cry. My hands are crazy, chasing me, me machine. Give it all you got. You got to never, never, never stop. Come on. Et en français, ça donne quoi? Si tu m'allumes, si tu lances le moteur, je ne m'arrêterai jamais. Si tu m'allumes, si tu lances le moteur, je suis en surchauffe. Tu me fais avoir des fuites, je vais exploser. Si tu m'allumes, si tu lances le moteur, je ne m'arrêterai jamais, jamais, jamais, jamais, je ne m'arrêterai. T'arrives à faire crier, pleurer un homme, un vrai. T'arrives à faire crier, pleurer un mec, pas né hier. T'arrives à faire hurler, pleurer un type qui a vécu comme moi. Allez, fais le plein d'huile, d'essence. Ça tourne rond quand je me balade dans ma superbe, superbe machine. Allez, vas-y, démarre là. Démarre la machine. Si tu lances mon engin, puis sur le démarreur. Donne-lui tout ce que tu as, tout ce que tu as. Allez, vas-y, lance le démarreur. Je ne peux pas rivaliser avec les pilotes dans les autres séries. Si tu le malmènes, si tu l'aimes, je peux te faire glisser, glisser, la faire glisser. Ne fais pas crier, pleurer un type qui a vécu, un type d'âge mûr, un type dans la fleur de l'âge. Mes pupilles se dilatent, mes lèvres pâlissent, mes mains s'encrassent. C'est une machine vicieuse, vicieuse. Allez, vas-y, démarre la machine. Allez, démarre, démarre. Allez, file comme le vent, à fond la caisse. Je t'emmènerai dans des lieux que tu n'as jamais, jamais vu. Allez, file, on ne s'arrêtera plus jamais. On ne s'arrêtera plus jamais. On ne s'arrêtera plus jamais. Plus jamais. Apéro. Une bonne soirée, c'est l'heure de l'apéro. Les olives. Bye. Bonsoir, bonne soirée.